Le corbeau et le renard. Fable. Un corbeau trouva un jour un morceau de viande et se posa sur un arbre. Le renard, flairant la pitance, s'approcha et dit « Hé, corbeau, quand je te contemple et que je vois ta taille et ta beauté, je pense que tu ferais un beau tsar. Oui, certainement, tu serais tsar, si, avec ses avantages, tu possédais la voix. » Le corbeau ouvrit le bec et croissa. La viande tomba, le renard la prit et lui dit « Ah, corbeau, certes, tu ferais un tsar si tu avais avec cela de l'esprit. »